remercions ce matin. Merci, Seigneur, pour la vie. Seigneur, si nous sommes ici ce matin, nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Seigneur, merci pour ta provision. Merci, Seigneur, pour le salut. Seigneur, merci pour toutes choses. Seigneur, ce matin, nous venons encore devant ta parole, devant le trône, pour écouter ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit dispose bien nos cœurs pour recevoir cette parole que tu as préparée pour chacun de nous. Seigneur, que les vies soient changées, que les vies soient sauvées, que les malades soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Je vais dire bonjour à tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois? C'est ta première fois ici. Soyez les bienvenus. Alléluia. Soyez les bienvenus ici. Alléluia. Je pense que le Seigneur va vous bénir ce matin. Alléluia. Et donc, oui, vous m'avez beaucoup manqué. Alléluia. C'est comme j'ai fait, non. Mais c'est juste une semaine, ou bien? Alléluia. C'était arrivé un peu tard hier. Alléluia. Et ceux qui étaient là hier soir à la... Alléluia. Est-ce que vous étiez bénis? Alléluia. Et la chorale, je ne sais pas si l'onction là vient de hier soir. La chorale a bien chanté ce matin. Alléluia. Gardez le même zèle, le même amour. Alléluia. C'est le Seigneur qui récompense. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien à te donner. Alléluia. Et donc, si tu fais ça pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Yeah. Et je pense que vous avez vu la vidéo de l'orphelinat. Alléluia. Qui sont ceux qui étaient là l'année passée? Alléluia. Est-ce que vous avez donné quelque chose? Est-ce que vous rappelez de la vidéo de l'année passée? Est-ce que c'est la même chose? C'est plus que les écoles que vous fréquentez ici. Yeah, c'est plus que ton école. Alléluia. Et dans ce que tu donnes, c'est pas que quelqu'un est en train de bouffer ton argent. Donc ne pense pas à quelqu'un. Pense à Dieu. Et pense aux personnes en train d'aider. Alléluia. Pas ce que tu donnes. Alléluia. Je dis chaque fois que tu seras... Beaucoup vont regretter lorsque tu arrives au ciel un jour. Pourquoi? Tu vas regretter que tu n'as pas beaucoup donné. Tu as donné peu. Alléluia. Parce que le peu que tu as donné a de récompenses. Et tu vas dire, ah si je savais, j'allais donner beaucoup. Alléluia. Et donc l'argent que vous donnez, c'est ça. Alléluia. Et donc on demande toujours, parce que ce n'est pas fini. Alléluia. Donc à la fin du culte, les enveloppes, on va distribuer les enveloppes. Et donner. Alléluia. Et le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Waouh, mon temps est fini. Ok. Alléluia. Donc ce matin, aujourd'hui, ce dimanche, c'est le dimanche d'action de grâce. Vous vous rappelez? Alléluia. C'est pour dire merci à Dieu. C'est pour reconnaître ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Yeah, nous sommes à la fin de l'année. Et nous avons tous commencé l'année. C'est ça, non? Et si tu es ici, tu dois savoir que il y a quelque chose que le Seigneur a fait. Ou bien? Ah, c'est pas tout le monde qui a commencé l'année et qui est ici présent. Ou bien qui a envie. Alléluia. Et donc, si tu as envie, tu dois reconnaître que le Seigneur a fait quelque chose. Alléluia. Et donc, ce matin, je vais vous donner la clé. Hein? La clé principale pour dire merci à Dieu. Pour reconnaître à ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu veux connaître cette clé là? Alléluia. Donc, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Ok. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Alléluia. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Amen. Et comment est-ce que tu dois être rempli de l'esprit? Parce qu'il a mis point virgule. C'est ça, non? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant tout de tout votre cœur les louanges du Seigneur. En rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En vous soumettant les uns aux autres dans la crainte. Alléluia. Amen. Et dit que ne vous enivrez pas du vin. Alléluia. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc il dit que ne remplis pas ton estomac avec du vin, avec de l'alcool. Alléluia. Mais sois rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. En faisant quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Tu seras rempli. La présence de Dieu arrive lorsque tu commences à chanter, lorsque tu commences à louer le Seigneur de tout ton cœur, à chanter, célébrer de tout votre cœur, par des cantiques spirituels, des hymnes, des psaumes. Alléluia. Rendez continuellement grâce. Tu rends grâce. Tu dis merci. Alléluia. Pour toutes choses à Dieu le Père. Lorsque tu commences à remercier le Seigneur, le Saint-Esprit arrive. Tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Yeah. Ça ne compte pas toujours de la musique. Il ne faut pas écouter n'importe quelle musique. Parce que les musiques qui ne célèbrent pas le Seigneur ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est pourquoi lorsque tu es en train d'écouter, par exemple, sexual healing, tu vois que le démon de quoi? De la fornication, le démon de péché arrive. Yeah, sexual healing. You are killing me softly. Hold me in your arms. Lorsque ce n'est pas ton mari, tu dis hold me. Hold me en français, c'est quoi? Quoi? Serre-moi. Serre-moi. Tu crois qu'il va te serrer gratuitement? Il ne va pas te serrer gratuitement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Mais lorsque tu commences à chanter des psaumes, des cantiques spirituels, tu commences à louer le Seigneur. Tu commences à remercier. Alléluia. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit qu'il habite les louanges de son peuple. Alléluia. Il habite, il siège. Lorsqu'on commence à louer le Seigneur, il siège. C'est comme les louanges sont là. C'est une chaise pour lui. Il s'assied. Il vient. Il vient demeurer là-bas lorsqu'on commence à le louer. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? Vous êtes là? Yeah. Yeah. C'est pourquoi ceux qui sont, par exemple, déprimés, découragés, hein? Lorsque tu es découragé, commence à chanter des cantiques. Commence à louer le Seigneur. Le Saint-Esprit de joie va venir. Alléluia. Pour t'encourager, ne pleure pas. Hein? Est-ce que vous êtes là? Yeah. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a la joie. Amen. Vous êtes là? Yeah. Il y a la joie. Mais il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce continuellement pour toutes choses. Alléluia. Pour toutes choses. Pour toutes choses. Rendez continuellement pour toutes choses. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'on ne rend pas grâce? Qu'on ne dit pas merci? Qu'on ne reconnaît pas ce que le Seigneur a fait? La première chose, c'est l'immaturité. Alléluia. L'immaturité. Tu es un enfant. C'est pourquoi? Alléluia. Tu es un enfant. C'est pourquoi? Hein? Alléluia. Amen. Yeah. Et puis, deuxième chose, c'est quoi? Les murmures. Yeah. Ceux qui murmurent ne reconnaissent pas ce que le Seigneur a fait. Yeah. Ceux qui murmurent. Ceux qui parlent toujours les choses négatives. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mon père n'a pas fait ça. Ma maman n'a pas fait ça. Mon frère n'a pas fait ça. L'église a fait ça. L'église là. Mon ami là. Ma femme là. Mon mari là. Mon frère là. Le musicien là. Le berger là. Le Stéphane là. Hein? Tu vois que les démons arrivent. Tu es rempli de démons. Tu es rempli de mauvais esprits. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Alléluia. Reconnaître ce que le Seigneur a fait. Nombre chapitre 13. Je finis avec ça. Ah, mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. De remercier. J'ai dit remercie, non, bien. C'est ça le message. C'est ça le message. Hein? Si tu n'as rien reçu, il faut juste dire merci à Dieu ce matin. C'est tout. Alléluia. C'est ça le message. Alléluia. Amen. Chaque fois lorsqu'on est en train de prêcher, il y a un message. Il faut voir quel est le. Tout ce que je vais dire, c'est sûr, remercier le Seigneur. Ou bien, yeah, c'est pourquoi j'ai dit, quoi, aujourd'hui c'est un dimanche d'action de grâce, pour remercier Dieu, c'est tout. Donc je vous donne les raisons, je vous explique un peu pour comprendre pourquoi tu dois remercier le Seigneur. Donc si tu as oublié tout, qu'est-ce que tu ne dois pas oublier? Ah, demande à ton voisin, si tu as oublié tout, il y a une seule chose que tu ne dois pas oublier aujourd'hui, c'est quoi? Ah, merci le Seigneur. Alléluia. Yeah. Nombre, chapitre 13. Verset 17. Ok? Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez, ok, sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le pays qu'il habite. Si le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, ok, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes et où il habite, si elles sont ouvertes ou bien fortifiées, ce qu'est le terrain, ok, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage, prenez des fruits du pays. C'était le temps du premier raisin. Alléluia. Donc, ils montèrent pour aller explorer depuis le désert de Tchin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hama. Verset 22. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où il était où étaient Ahiman, Shechem, Maï, enfant d'Anak, Hébron avait été bâti sur 7 ans avant Tchoan en Égypte. Verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des fiches. Ils donnèrent à celui le nom de vallée d'Escol, okay? À cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Okay? Il fut de retour de l'exploitation, bien d'exploration du pays, au bout de 40 jours. Wow. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, okay, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Alléluia. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais, est-ce que tout le monde peut dire mais? Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hittiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jordan. Fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le peuple qu'ils avaient exploré. Il dit, le peuple que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, tous ceux qui y sont, tout ce que nous y avons vu sont des hommes qui d'une taille haute, ou bien d'une haute taille. Ok? Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions aux yeux de leur, et à leurs yeux, à nos yeux, et à leurs, comme des sauterelles. Wow! Donc, vous avez vu, les enfants d'Israël commençaient à murmurer. Alléluia. Verset 29 dit, les Amalécites habitent la contrée de Midi. Les Hittiens, les Jébusiens, les Ammoniens, les Amoréens. Alléluia. Les ennemis, ils sont en train de commencer à voir les choses négatives. Ils sont de grande taille. On ne peut pas y aller. Alléluia. Mais Aaron a dit, avec un esprit de quoi? Kandouma. Un esprit de, on peut y aller. On peut y arriver. On peut les vaincre. Alléluia. Mais ils disent, non, nous sommes comme des sauterelles devant nos yeux. Alors, nous sommes comme des sauterelles. On ne peut pas y arriver. Alléluia. Lorsqu'on commence à murmurer, esprit mauvais arrive. Et la Bible, lorsque vous lisez la suite, la Bible dit que tous ceux qui ont murmuré n'ont pas atteint la terre promise. Ceux qui murmurent sont détruits par les mauvais esprits. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Faut reconnaître ce que le Seigneur a fait. Si tu vois quelqu'un qui est en joie, qui est en train de rire ce matin, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de problème. Non. Ils ont vu le pays qui coule. Il y a le miel qui coule. C'est un bon pays. Ils ont amené les fruits pour montrer à Moïse que c'est un bon pays. Mais il dit, il y a les Jébusiens. Il y a les Amoréens. Il y a les quoi encore? Les Hittéens. Il y a les Amalécites. Yeah. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui a une joie, c'est comme il n'a pas de problème. C'est pas vrai. Peut-être qu'il a un Jébusien. Tout le monde a un Jébusien. Peut-être que lui a un Jébusien. Tu as un Amalécite. Vous comprenez? Yeah. Tout le monde a un problème. Yeah. Tout le monde a un problème. Tout le monde a un problème. Alléluia. Amen. Tout le monde a un Amalécite dans son pays. Ou bien Jébusien. Ou bien Amorien. Alors, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes pour les Israélites. Ils doivent surmonter ce problème pour pouvoir occuper la terre promise. C'est ça, non? Yeah. Donc, tout le monde a un problème. Donc, si tu vois quelqu'un qui a un joie ce matin, hein, Daniel qui prenait la vidéo, elle est en train de danser. Est-ce qu'elle n'a pas de problème? Yeah. Yeah. Chacun a un problème. Chacun a un problème. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. J'ai un problème. Vous voyez, oh, le pasteur. Quoi que le pasteur. Vous voyez, parfois, lorsque nous prêchons, vous allez penser. Hein, c'est une erreur que peut-être que beaucoup de vous faites. Vous allez penser que le pasteur n'a pas de problème. Ou bien les pasteurs. Parce qu'on prêche avec force. Alléluia. Yeah. On parle des choses possibles. Les choses sont possibles. On peut y arriver. C'est possible. Alléluia. Donc on pense que bon, les pasteurs n'ont pas de problème. Qui dit que les pasteurs n'ont pas de problème? Hein? Que les pasteurs n'ont pas de problème. Parfois tu vois les couples qui arrivent. Les mains dans les mains. Et puis on a un sourire comme ça. Oh, ça c'est beau couple là. Ça c'est beau. Quel couple? J'aime la structure. Avec les pas. Même pied gauche. Équilibre. Yeah. Vous croyez qu'ils n'ont pas de problème? Moi, j'ai un ami couple. Lorsqu'il arrive à l'église, les mains entre les mains et puis marchent ensemble avec de beaux sourires, vous allez croire qu'il n'y a pas de problème dans ce monde. Vous allez croire, ah, il n'y a pas de problème dans ce monde. Hein? Ils sont parfaits. Mais si je commence à vous raconter les problèmes, vous serez sûr. Vous allez dire, pasteur, ce n'est pas vrai. Si je ne les connais pas, hein, qui va dire que ce n'est pas vrai? Bon couple. Yeah. Il y a un jour, un pasteur a dit, le jour de son mariage. C'était beau le jour là. Yeah. C'était beau le jour là. Mais avant le mariage, comment on appelle best man? Pardon? La son d'honneur. Garçon, non? Garçon, bien non. Best man. L'homme de compagnie. Vous voyez, normalement, l'homme de compagnie va à la femme et puis vient avec la femme. C'est ça, non? À l'église, c'est ça. Avant le mariage. C'est pas ça dans vos pays? C'est pas ça. C'est le contraire. Oh, ok. Non, lorsqu'ils arrivent à l'église, c'est le père qui amène la fille devant. Mais normalement ici, l'homme de compagnie va dans la maison de la femme et puis amène. Ici, c'est ce qu'on fait. Aha. Dans l'homme de compagnie va aller amener. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le jour-là, l'homme de compagnie était tellement en retard. La fille a pleuré. Le papa était fâché contre la fille. Le jour de mariage, oh. Mais durant le mariage, elle était contente comme ça. Donc vous allez croire qu'il n'y a pas de problème dans le monde. Alléluia. Alors que la fille avait pleuré il y a quelques minutes. Yeah. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque tu vois quelqu'un qui a une joie, Cela ne veut pas dire que la personne n'a pas de problème. Tout le monde. Mais nous devons reconnaître ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à cause de ce petit problème. Vous voyez, parfois, lorsqu'on est focalisé sur le problème devient tellement grand. Et puis, on oublie ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous comprenez? Si quelqu'un commence maintenant à te dire les problèmes qu'il a dans sa vie. Oh! Moi, ma maman était. Le jour-là, je peux dire que ma maman était morte. Morte. C'était la nuit, bien. 1h, 2h du matin. Et puis j'ai entendu un bruit quelque part. Je crois que c'est dehors, c'est dans l'autre maison. Et puis je me suis allé dans le salon. C'est comme le bruit, c'est dans la chambre où ma maman était couchée. Donc j'étais allé voir. J'ai vu, lorsque j'ai arrivé, il n'y a pas de bruit. Donc j'ai allumé. J'ai allumé la lumière. Et puis elle n'a pas bougé. Parce que normalement, lorsque j'arrive, j'allume, elle va. Même si elle dort, elle va faire quelque chose. J'ai allumé, elle n'a pas bougé. Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. J'ai fait comme ça, maman. Elle était morte. Hey! C'était en 2008. Donc j'ai appelé ma soeur était là. Et on l'a mis dans la voiture. On a appelé. Oh, elle était morte. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, lorsqu'on allait, on arrivait quelque part, et puis était réveillé. J'ai dit, Seigneur, on est allé à l'hôpital. On l'a amené à Colébou. Hey! C'était pas facile. Mais lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai vu les autres malades. J'ai dit, la maladie de maman, là, c'est bon. Seigneur, merci. Merci pour ma maman. J'ai dit, merci pour ma maman. C'est parce que tu n'as pas vu le problème de quelqu'un. Tu ne connais pas. C'est pourquoi tu te plains. Tu murmures. Tu penses qu'au Dieu ne reconnaît pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu as les yeux pour voir. Dis merci. Quelqu'un veut voir mais ne peut pas voir. N'a pas des yeux. N'a pas des yeux. J'étais arrivé à l'aéroport. C'était hier. Oui, hier. Peut-être que c'est parce que c'est là. Il y avait un gars, un blond, le gars là, il est beau comme ça. La main, il y avait une main. Il n'a pas de main. Il y a la main droite. C'est la main droite. C'est la droite, non. Il n'a pas, il y a quelque chose. Il n'a pas les 5 doigts. Il a seulement ça. J'ai dit, Seigneur, merci. Moi, j'ai 10 doigts. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est parce que tu ne connais pas le problème des gens. C'est pourquoi tu te plains. C'est pourquoi tu ne peux pas dire merci à Dieu. Et ce matin, je veux te rappeler. Je veux te rappeler. Tu peux marcher. Tu peux sauter. Va à Colébou. Quelqu'un a les pieds en l'air, comme ça. Les pieds sont en l'air pour une semaine. J'ai vu, lorsque maman était là, le gars là, les pieds étaient à l'air, deux pieds comme ça. Toute la semaine, on était à l'hôpital, le gars, le pied était toujours en l'air. Il ne bougeait pas. Hey! Tu as quelque chose à manger? Oh! Tu ne sais pas. Tu as de l'habit? Lorsque le livre est versé, on était dans chapitre 13, chapitre 14. Moïse les a rappelés de ce que le Seigneur a fait pour vous, pour eux. Vous avez passé par la mer. Le Seigneur a. Vous avez passé. Il vous a sauvé, il vous a donné de la manne. Vos pieds ne sont pas enflés. Pour 40 ans, ils marchaient, les pieds ne sont pas. Ils n'ont pas de maladie. C'est que lorsqu'ils ont commencé à se plaindre, à murmurer, maintenant ils ont. Les mauvais esprits maintenant arrivent. Est-ce qu'on a des problèmes maintenant parce qu'on a murmuré? Est-ce que tu as la lèpre? La soeur de Moïse qui s'est plainte, qui a murmuré contre Moïse et puis elle a la lèpre. Est-ce que tu as une maladie à cause de murmure? Lorsque tu commences à murmurer, les mauvais esprits arrivent. C'est pourquoi Éphésiens a dit ne vous enverrez pas. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. En chantant des cantiques, des psaumes. En reconnaissant ce que le Seigneur... Pour être rempli du Saint-Esprit. Donc la clé pour dire merci à Dieu, c'est quoi? Tu veux connaître? C'est de te souvenir, de te rappeler de ce que le Seigneur a fait pour toi. Te rappeler. Ceux qui oublient murmurent. Yeah. Ceux qui oublient murmurent. Qui t'a amené ici à Kaï ici? On a oublié les parents. On a murmuré contre les parents. Parce qu'il n'a pas envoyé le Western, le moi là. Tu as parlé. Est-ce que tu es rempli de un mauvais esprit maintenant? Parce que tu as parlé contre ton papa, ta maman, bien quelqu'un t'a envoyé. T'as envoyé ici. Murmurer. Il n'a pas amené à l'école. C'est maman seule. Tu commences à murmurer. Tu es en train d'attirer quelque chose qui va détruire ta vie. Les parents, les amis qui t'ont aidé, la personne qui t'a aidé ici, maintenant tu ne parles pas avec lui. Tu ne parles pas avec lui. Il est ton ennemi. Bien, il est ton ennemi. Tu as oublié. Quelqu'un dit, viens, on va aller à l'église. Maintenant tu es à l'église. Maintenant tu ne parles pas avec lui. Tu as oublié ce que la personne a fait. Quelqu'un dit un mot. T'as encouragé le jour là, tu étais découragé. Quelqu'un t'a encouragé. Tu as oublié. Certains d'entre vous avez oublié les paroles. Les paroles qui chaque dimanche, ça vient pour t'encourager, pour te sauver de certaines choses, pour te guider, pour te montrer la bonne voie. Tu as oublié. Mais tu pars contre Dieu parce que tu n'as pas l'argent pour venir à l'église. Tu dis que le Seigneur n'est pas là. Alléluia. Parfois, ce sont les gens qu'on ne se reconnaît, on ne se rappelle même pas de les pasteurs. Parce que le pasteur ne te donne pas de l'argent, c'est fini. Mais on a oublié les paroles. Chaque dimanche, chaque temps, les paroles qui viennent pour vous sauver, pour vous montrer la voie. Les pasteurs vous conseillent. Ne fais pas ça, fais ça. Chaque dimanche, après dimanche, les bergers qui sont là, qui veulent vous aider. Vous êtes contre ces personnes. Vous murmurez, vous parlez. Wow. Regarde à ton voisin. Si tu les femmes, on a chaussures jaunes, chaussures bleues, chaussures rouges, chaussures noires, chaussures oranges, chaussures. Tu as les pieds, tu ne veux pas danser pour Dieu. Je ne vais pas danser. Quelqu'un n'a pas les pieds. Je vais parler de la belle fille là que j'ai rencontrée à Kodesh. Kodesh. Belle fille, très belle fille. Les deux pieds n'étaient pas là. Oh Seigneur, merci. Et le jour là, le temps de louange, elle voulait, c'est comme elle voulait sauter de la chaise. Elle dit Seigneur. C'est parce que tu as les deux pieds, c'est pourquoi tu ne reconnais pas les choses. Tu crois que c'est automatique. Wow. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant ce matin? Quelqu'un qui peut dire merci? Levez-vous. Et commencez à remercier le Seigneur. Dis merci. Dis merci pour l'église. Beaucoup d'entre nous, on ne dit pas merci pour l'église. On voit seulement les choses négatives. Les mauvaises choses. Dis merci. C'est peut-être que tu devais être mort depuis. Mais à cause de l'église, tu n'es pas mort. À cause de l'église. Dis merci pour la parole de Dieu. Sinon, tu aurais déjà attrapé le sida. Je ne sais pas. Dis merci ce matin. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie. la vie. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour ta provision. Seigneur, nous ne sommes pas à l'hôpital ce matin. Oh, on a les pieds pour marcher. On a de l'air pour respirer. Il y a certains, il y a de l'air, mais ils n'arrivent pas à respirer. N'arrivent pas. Certains ne sont pas à l'église. Nous sommes à l'église. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, merci pour Lighthouse. C'est là où j'ai connu Jésus. C'est là. Seigneur, merci. Pour l'évêque, les messages, les livres qui m'ont guidé, qui m'ont montré la voie. Seigneur, merci. Merci pour les messages. Merci pour mon papa, ma maman. Merci pour leur vie. Ma maman m'a porté sur l'eau. Beaucoup d'années, dans le vent, 9 mois. Oh, lorsque j'étais enfant, j'étais toujours malade. Ma maman était toujours avec moi. Mon papa était toujours payé, toujours les factures de l'hôpital. Seigneur, merci pour eux. Je suis reconnaissant. Merci. Merci. Merci pour les pasteurs. Merci pour les bergers qui m'ont guidé, qui m'ont montré la voie, qui m'ont montré comment lire la Bible, comment faire le quiet time. Comment ils m'ont montré, Seigneur. Merci pour ces personnes. Merci pour mes amis qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé, que c'est possible. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Nous sommes en vie ce matin. Nous reconnaissons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin? Merci, Seigneur. Oh, merci. Il a enlevé tout. Sa femme était fâchée. Et le Seigneur a fermé le ventre. Hein? Parce qu'il ne sait pas ce que le Seigneur a fait. Elle ne sait pas ce que le Seigneur a fait pour David. Il y a une puissance dans le fait de dire merci. Dans vous, il y a certaines bénédictions, vous n'allez pas revoir parce que vous n'avez pas reconnu ce que le Seigneur avait. Et il y a des portes qui seront ouvertes lorsque vous commencez à dire merci. Vous oubliez les problèmes. Vous voyez, lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, lorsqu'il jeûnait 40 jours, 40 nuits, hein? Lorsqu'il a tenté, Jésus avait faim. Alléluia. Mais il a dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y aura le problème. Mais seulement, c'est pas seulement ça. Il y a d'autres choses. Donc si tu n'as pas quelque chose, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses. Non. On aura toujours les Amalécites. On aura toujours les Jébusiens. Peut-être que moi j'ai Amalécite, tu as Jébusien. L'autre a Amorien. Yeah? L'autre a autre chose. Nos problèmes sont différents. Mais on va reconnaître ce que le Seigneur a fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Certains d'entre vous allez recevoir un miracle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez commencé à dire merci. Lève les mains. Et et dis merci. Ferme les yeux. Dis merci. Reconnais, reconnais, reconnais, reconnais, reconnais, reconnais, reconnais. Oh Seigneur, merci. Reconnais, reconnais. Il y a une terre promise de l'aile, le miel qui coule pour toi. Et lorsque tu reconnais comme Aaron, pas comme les autres, mais comme Aaron, tu vas entrer dans cette terre promise. Oh, le Seigneur a promis beaucoup de choses pour toi. Beaucoup de choses. Mais lorsque tu commences, c'est possible. Tu vas entrer dans la bénédiction. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Poussez un cri de joie. Alléluia. Avant de s'asseoir, voulons prier pour toi. Alléluia. Prie avec toi. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Tu es là, tu ne connais pas le Seigneur. Peut-être que tu connais, on t'a parlé, mais tu n'as pas vraiment pris une décision de dire que Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux te servir. Je veux avoir le salut. Je veux le salut. Je n'ai pas le salut. Je ne me rappelle pas si j'ai vraiment pris une décision de te servir. Mais ce matin, tu es là. Dans ta reconnaissance de ce que le Seigneur a fait, tu veux dire, Seigneur, je veux commencer une relation personnelle avec toi. Je veux être né de nouveau. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main, on va prier. Avant de partir. Merci mon frère. Merci. Merci. Merci. Merci. Qui aussi? Qui aussi? Je vois. Je vois. Je vois. Qui aussi? Tu veux donner ta vie à Dieu. Aujourd'hui, tu veux dire, Seigneur, merci pour ma vie. Je veux te servir. Est-ce que vous pouvez venir devant ma prière? Est-ce qu'on peut acclamer? Viens mon frère, viens. Viens. Alléluia. Fermez les yeux, allons prier. Répétez après moi, dit Seigneur, merci. Ce matin, je reconnais l'amour que tu as pour moi. L'amour qui a fait que tu as envoyé ton fils pour me sauver. Je reconnais cet amour qui était sur la croix. Et ce matin, je décide, je prends cette décision de te servir. Seigneur, merci. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette personne? Alléluia. Amen.